Quand l'inflation touche tous les produits du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commerçant pour soutenir votre pouvoir d'achat? Proposer des promos à nos clients fidèles? Ça n'aide pas tous les autres. Des offres pour tous sur quelques produits? On ne remplit pas un chariot avec juste quelques produits. Chez Hyper U et Super U, retrouvez 150 produits U du quotidien à prix coûtant. Le bénéfice est pour vous. 150 produits U disponibles et signalés en magasin dans les magasins Hyper U, Super U et sur courseU.com. Voir conditions sur magasin-U.com. Le prix coûtant constitue le seuil de revente à perte affecté d'un coefficient de 1,10 pour les produits alimentaires conformément à la loi Egalim. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire qui ressemble à un roman noir, avec par ordre d'apparition, un trader névrosé, une fille à papa, des avocats, des stars, un procureur véreux, un recruteur français de mannequins, un prince d'Angleterre et deux présidents des USA. Voilà pour le casting. Côté décor, une île des Caraïbes, un jet privé, des hôtels particuliers, en somme, une micro-société à la richesse sans limite et qui finit par vivre, elle aussi, sans limite et en toute impunité. C'est là le talon d'Achille de cette Amérique brillante et corrompue, fascinée par la réussite. Le personnage clé de cette histoire le sait pertinemment. Ce personnage, c'est Jeffrey Epstein, un célèbre financier de Wall Street qui, des années 80 jusqu'à sa mort, survenu en 2019, développe un réseau de prostitution de jeunes filles, souvent mineures, qu'il partage avec ses amis tout en soudoyant la justice. FBI, procureurs, journalistes, tous savaient qu'Epstein était un pédocriminel, mais personne n'a rien dit. Une omerta qui fleure bon la protection des puissants, le règne du fric et des paillettes. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Baptiste Manzinelli, auteur de La Nuit des Chasseurs, paru au Cherche Midi l'an dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. New York, 1992. Après une décennie passée sous l'égide des Républicains, l'Amérique s'en remet à Bill Clinton. L'homme est jeune, dynamique. Il a promis de réduire les inégalités du pays où 1% des citoyens détient 42% de la richesse nationale. Wall Street est alors en pleine ébullition. Toutefois, les investisseurs ne s'inquiètent pas outre mesure. Ils continuent de parader entre villas de luxe, shopping et soirées de hippies. Le must alors est d'être invité chez Jeffrey Epstein, un ancien trader devenu gestionnaire de fortune. Mais aucune chance d'être son client sans avoir au moins 1 million à investir. À ses côtés se tient une jeune femme anglaise, Ghislaine Maxwell, héritière du mania anglais de la presse Robert Maxwell, disparu mystérieusement en vente son yacht, le Lady Ghislaine. C'est donc elle qui organise les soirées, comme le raconte Laurence Haïm dans son livre Ghislaine Maxwell, une femme amoureuse. Pour tout Rastignac qui se respecte, le mois de décembre est à New York plein d'opportunités. À cette époque, il était de bon ton d'être invité chez Ghislaine, où se croisaient des propriétaires de fonds d'investissement, des patrons de chaînes de télé, des acteurs ou des top modèles en vogue. En mars 2011, un New-Yorkais avait confié au magazine Times « Maxwell est une geisha moderne du monde capitaliste. Elle vit dans un univers de gens riches qui se pensent au-dessus des lois. C'est un milieu fréquenté par des milliardaires et des jeunes filles en bikini. C'est à la fois somptueux et à la limite du grotesque, il n'empêche, chez elle, c'était the place to be. » Le couple reçoit donc au domicile de Jeffrey, un hôtel particulier de l'Upper East Side, le quartier le plus chic de New York. En arrivant chez lui, les invités découvrent 2000 mètres carrés ornés de fenêtres en ogive, de marbre de Carrare et de murs tendus de cuir. Mais le net le plus ultra, c'est ce trottoir chauffant pour éviter le gel et les dérapages. C'est amusant. Mais que penser de ces nombreuses photos de nus et de cette poupée grandeur nature suspendue à un lustre? Disons que c'est décadent et que le maître des lieux impressionne. Il est taiseux, là où Ghislaine est virevoltante. Et d'ailleurs, sont-ils vraiment ensemble? La rumeur court qu'il lui a offert un hôtel particulier tout près du sien, et que ce sont deux grands libertins. Dans les soirées, ils abordaient tous les deux un sourire qui mettait parfois mal à l'aise, comme s'ils étaient détenteurs d'un secret auquel eux seuls avaient accès, raconte Peggy Siegel, une publicitaire hollywoodienne. Le décorateur Robert Couturier va plus loin et confesse « Jeffrey dégageait quelque chose qui empestait le vice, quelque chose chargé de négativité émanée de lui. J'ai vu cela chez peu de gens. » Pourtant, tout se précipite à leur soirée où les milliardaires côtoient des filles en bikini. Mais quel âge ont ces filles? Et comment peuvent-elles se retrouver dans ce genre de soirée? En vérité, c'est une société qui avance, comme dans le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés. Il n'empêche qu'Epstein intrigue. Ses milliards, ses succès, et puis toutes ses filles, ne sont-elles pas un peu jeunes pour être des escort girls? Girl, en 2003, la journaliste Vicky Ward propose un portrait au magazine Vanity Fair, et elle explique... À New York, Epstein était connu pour être une sorte de Gatsby mystérieux, mais personne ne savait rien de lui. L'article devait être mondain, mais très vite, il y a eu des éléments douteux. Surtout lorsqu'une des sources de la journaliste assure connaître une femme qui a vécu une expérience très traumatisante avec Epstein. Il aurait violé sa petite sœur. L'article prend alors une toute autre direction. Et de fait, lorsqu'elle contacte Epstein pour avoir sa version de l'histoire, il minimise et répond que le problème provenait de ses deux sœurs qui étaient trop amoureuses de lui, trop exclusives. Puis soudain, alors qu'elle est enceinte, il la menace. « Où allez-vous accoucher ? Vous savez, je connais tous les médecins de la ville et je vous préviens que si je n'aime pas l'article, je vous le ferai savoir. » Au journal, c'est la panique. J'en ai parlé à Guédor, mon rédacteur en chef. Il était paniqué. C'était comme s'il avait trouvé une tête de chat coupée dans son jardin et une balle de revolver à sa porte. Tout à coup, il m'a demandé de retirer les filles de l'article. D'après lui, le sujet était trop sensible. Et surtout, il a eu ces mots pour finir. Il a dit « Moi, je le crois, Jeffrey Epstein. » L'article a donc été publié sous le titre « Le talentueux Monsieur Epstein ». Eh oui, il est talentueux, Monsieur Epstein. Et cela fait des années qu'il s'amuse avec la loi. Car l'affaire des deux sœurs abusées qui avaient porté plainte en vain n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre la mécanique Epstein, il faut remonter dans les années 70. Il est alors un jeune homme issu de la classe moyenne de Coney Island, à une heure de New York. Physique athlétique, talent de pianiste et un don pour les mathématiques, il ne manque pas de tout. Il passe son bac à 16 ans, puis s'inscrit en sciences physiques à Cooper Union, qu'étrangement il quitte 2 ans après sans être diplômé. Ce qui n'empêche pas de devenir prof de maths dans la très sélective Dalton School de New York. Il s'entend si bien avec les étudiants qu'il s'invite à leur soirée. Cela s'ébruite, cela détonne et il se fait renvoyer. Mais peu importe, puisque c'est Wall Street qu'il vise désormais. En 1976, Ace Greenberg dirigeait Bear Stearns. Un jour, j'étais dans mon bureau et Ace m'a appelé pour me dire que l'administrateur de la Dalton School avait un jeune professeur, Jeffrey Epstein. Il voulait venir à Wall Street et je devais lui faire passer un entretien. Il était réputé comme bon prof et très séducteur. Alors, je l'ai engagé pour développer nos analyses de stock. Et il était très doué. Quand il se passait quelque chose d'imprévu, il le gérait de façon impressionnante. Mais ça a été là une de mes plus grosses erreurs de ma carrière. En outre, au bout de quelques mois, le chef du personnel m'a dit « Vous êtes assis ?» Epstein a menti sur son CV. Il n'est jamais allé à Harvard et aucune université n'a entendu parler de lui. J'étais stupéfait. J'avais engagé un menteur. Et en plus, il sortait avec la fille de Hayes. Mais la chance est avec Epstein. En 1986, il rencontre Lex Wexner. L'homme est richissime, il dirige la marque de lingerie Victoria's Secret. Wexner tombe alors sous le charme d'Epstein, qui devient son conseiller principal, son Mazarin, disent certains. Pour Wexner, Epstein joue les Coast Killer et fait de l'entreprise une cash machine. Un vrai coup double. Non seulement il obtient le contrôle total de la fortune de son patron, estimé à 7 milliards, mais en outre, il influence le monde de la lingerie. On y développe alors les patch-ups, les strings, en somme, l'hypersexualisation des jeunes filles tombe bien. Car ce que préfère Epstein, c'est précisément les jeunes filles. Et c'est un cercle vicieux qui se déploie. La marque qui fait la fortune d'Epstein prépare les filles à être ses proies. C'est ainsi qu'avec la fortune de Wexner, il parvient à développer un trafic de mineurs, en toute impunité. D'autant que de nombreuses filles, souvent issues des pays de l'Est, rêvent de représenter Victoria's Secret. Pour cela, elles doivent bien sûr intégrer l'agence. La plus importante s'appelle alors Elite. Elle a été fondée par John Casablancas, c'est lui qui a créé le concept des supermodèles. Et en France, Elite est talonnée par l'agence Karine Models, dirigée par Jean-Luc Brunel. À son actif, la découverte de mannequins comme Estelle Lefebvre ou Monica Bellucci. Ici, au micro de l'émission Effraction, en 1986, Brunel témoigne de la jeunesse des filles. Les filles commencent jeunes. 15 ans et demi, elles viennent pendant de courts séjours, elles viennent pendant 15 jours, 3 semaines pendant les grandes vacances. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est toujours un amusement et ça leur donne une idée de ce que c'est. Une idée de ce que c'est. Et une idée du personnage aussi. Car Brunel a sa réputation. Comme le raconte le photographe Alain de Basseville, lui c'était Cocaine Incorporated. Je disais à toutes mes amies de ne surtout pas aller à ces soirées. D'autant que Brunel a l'habitude de loger les filles chez lui, et plus si affinité. En échange, il leur promet des couvertures de magazines et des défilés. À Milan, à Paris et à New York, bien sûr. C'est que l'homme rêve de conquérir les États-Unis et de vivre comme Epstein, de façon puissante. Dans les années 90, en effet, Jeffrey Epstein, c'est un hôtel particulier situé sur l'Upper East Side et un ranch au Nouveau-Mexique, tous deux offerts par Wexner. Mais c'est aussi un appartement sur l'avenue Foch à Paris, une villa à Palm Beach en Floride et une île privée dans les Caraïbes. Pour aller de l'une à l'autre de ses résidences, il achète un hélicoptère, un Boeing 727 et un Gulfstream, le jet le plus rapide du monde. Chez lui se croisent des avocats, des présidents d'universités, des scientifiques, mais aussi de nombreux hommes politiques, comme Bill Clinton, Donald Trump ou le sénateur John Kerry. Ou encore, le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, voire l'ancien ministre israélien, le premier ministre israélien même, Ehud Barak. Sans parler du prince Andrew, qui semble fasciné par sa réussite. Enfin, par sa réussite, ou par les filles qui tournent autour de lui, plutôt. Car, bien entendu, la fortune Epstein lui permet de louer toutes les filles qu'il désire, et d'en offrir à ses invités. Certaines sont issues du fichier Victoria's Secret, mais d'autres ont l'air de collégiennes. Comment les trouve-t-il ? Eh bien, au collège. Et c'est là que Ghislaine Marchal entre en piste. De toute façon, elle est prête à tout pour lui, même à jouer les mères maquerelles. Job, offre d'emploi. Vous souhaitez être masseuse ? Un travail à domicile à Palm Beach vous attend. Excellente rémunération, principalement les week-ends. Appelez le 351-1000. Laissez un message, Miss Maxwell. Miss Maxwell, l'éternelle fiancée d'Epstein qu'il n'épousera jamais. Pourtant, Ghislaine est prête à tout pour l'impressionner. Comme elle le faisait avec son père, le magnat de la presse Robert Maxwell. Et évidemment, ce n'est jamais assez. Alors la voilà qui devient responsable du recrutement des jeunes filles et du silence des domestiques, inscrit noir sur blanc dans leur contrat. Ne discutez d'aucun problème personnel avec les invités. Souriez. Ne divulguez jamais les activités de Monsieur E ou de Madame M à quiconque. Rappelez-vous, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, vous ne dites rien, sauf pour répondre à une question qui vous est directement adressée. La vie privée doit être respectée. Principe de base donc, chez Epstein, mieux vaut ne rien voir et ne rien entendre. Car il ne s'agit pas d'orgie comme celle qu'organisait Berlusconi, entre Miss Météo, joueur de foot et présentateur de la RAI, non. Ici, les dîners sont élégants, raffinés. et les filles finissent violées dans la chambre des invités. Certaines repartent traumatisées, évidemment. Mais étrangement, nombre d'entre elles reviennent, souvent en tant que maquerelles. C'est-à-dire qu'Epstein et Maxwell dupliquent les méthodes de Wall Street avec la fameuse pyramide de Ponzi. Une première fille se voit offrir $200 pour recruter une deuxième fille, qui à son tour se voit offrir $200 pour en apporter une troisième. Et invariablement, se met en place le même scénario. La fille, embauchée en tant que masseuse, entre dans une demeure fastueuse, découvre Epstein dans la salle de massage, ses huiles essentielles, ses sextoys, et soudain, tout dérape. Comme le raconte Chanti Davis dans le livre de Jean-Gabriel Frédé, L'île de tous les vices. L'île de Jeffrey Epstein, c'est l'enfer déguisé en paradis. Il s'est passé des horreurs là-bas. Il m'y a invitée en tant que masseuse professionnelle et je ne me suis pas méfiée. Après le premier dîner, au moment de me coucher, leur assistante Sarah est venue me chercher car c'était l'heure de son massage. C'est là que j'ai commencé à me dire que ce n'était pas normal et que cela n'annonçait rien de bon. Oh non, ce n'est pas normal. Et tout le monde le sait. Certains ont même renommé le jet qui mène les invités sur l'île le Lolita Express ou le Air Fuck One. Bill Clinton lui-même y a été vu pas moins de 26 fois. Pour les filles, il est bien difficile de résister à ces voyages, à cet argent facile. La plupart viennent de familles si fragiles. L'une d'elles se nomme Courtney Wilde. Et elle se souvient être présentée à Epstein à l'âge de 14 ans. Avoir des relations avec ce gars qui vous donne tant d'argent, c'était too much. Drogue, argent, sexe, c'était la vie à toute vitesse. J'ai fini par quitter le lycée. Comme elle, certaines travaillent pour Epstein et Maxwell durant des années. Mais aucune n'ose se révolter. Car enfin, qui les croirait? Ce monsieur est tout de même l'intime de Bill Clinton. Et puis, il y a Trump, qui vit tout près, en Floride. Trump, qui, en 2002, n'hésite pas à déclarer au New York Magazine « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type génial. Il aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont assez jeunes. » Et puis, les policiers de Palm Beach sont tellement reconnaissants envers Epstein. Et pour cause, chaque année, il leur verse un don de $100,000. Un jour de 2005, toutefois, cette même police de Palm Beach reçoit un coup de téléphone qui va dérégler la mécanique. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in. Bonjour madame, pouvez-vous me rappeler la raison de votre appel? Il y a eu un incident qui a eu lieu il y a 3 semaines avec une de mes belles-filles. Elle a eu une altercation au lycée et on s'est rendu compte qu'elle avait $300 sur elle. On lui a demandé d'où ça venait. Et on a découvert qu'elle allait chez un monsieur de Palm Beach, elle et ses amis. Elles lui font des massages, il les paye. Et si elles lui plaisent et qu'il les trouve jolies, il les garde pour faire d'autres choses. Ok. Je ne sais pas s'il y a eu une enquête ou si vous étiez au courant. Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai besoin de plus d'informations. Votre belle-fille serait prête à venir faire une déposition ? Aujourd'hui, Jeffrey Epstein, prédateur américain. Affaires sensibles sur France Inter. Palm Beach, 2005. Votre belle-fille serait-elle prête à venir faire une déposition, demandait la policière dans l'archive que vous venez d'entendre. Eh bien oui. La jeune fille de 14 ans accepte de porter plainte. Devant les policiers médusés, voilà qu'elle évoque une autre victime qui leur parle d'une autre victime. Et toutes décrivent le même processus. Elles arrivent en taxi chez Epstein et découvrent ce que « massage » veut dire. L'affaire est confiée à Joe Ricaray, qui perquisitionne la maison de Palm Beach. Il y trouve un bulletin scolaire, ainsi qu'un reçu Amazon pour des livres comme « Feuille de route de la servitude érotique » et des pièces truffées caméras. Il y trouve aussi un carnet, dans lequel sont notés les messages téléphoniques. Une dizaine d'entre eux viennent d'un certain Jean-Luc, dont celui-ci. Jean-Luc a une prof pour vous apprendre à parler russe. Elle a 16 ans. Les leçons sont gratuites et vous pouvez la voir dès aujourd'hui. Un mandat d'arrestation est déposé au bureau du procureur Barry Krischer. De son côté, Epstein réunit les meilleurs avocats, dont Kenneth Starr, connu pour avoir mené la mesure d'impeachment contre Bill Clinton, ainsi qu'Alan Dershowitz, qui avait défendu O.J. Simpson et Mike Tyson. Or, d'après le procureur Krischer, il y aurait un problème avec ces filles. Elles ont bien touché cet argent, donc cela signifie qu'elles étaient consentantes. Et puis comment les croire ? La plupart sont des ratés, à moitié drogués. En colère, le commissaire Reiter décide d'envoyer le dossier au FBI. Un geste rare. Alors, le célèbre bureau fédéral de la police et du contre-espionnage creuse à la recherche de plaintes qui auraient été émises dans d'autres États que la Floride. Et il trouve, bien sûr. Il y a celle des deux sœurs que voulait relayer Vanity Fair en 2003, ainsi qu'une autre, datant de 1997, une fille qui rêvait de défiler pour Victoria's Secret. À la police de Santa Monica, sa plainte était tombée aux oubliettes. Au final, le FBI assemble un dossier de 53 pages qui pourrait, d'après le Miami Herald, inculper Epstein à vie. Tribunal de Palm Beach, salle 11A, audition du 17 février 2008. Face à l'avocat des victimes, Epstein fait semblant de ne pas reconnaître le nom des filles. Ici, pour Netflix, dans le documentaire Jeffrey Epstein, Argent, pouvoir et perversion, nous pouvons entendre sa voix. Monsieur Epstein, depuis quand êtes-vous attiré par les jeunes filles mineures ? Vous plaisantez ? Monsieur Epstein. Ouais. Avez-vous été victime d'agressions sexuelles lorsque vous étiez mineur ? Pardon ? Avez-vous été victime d'agressions sexuelles lorsque vous étiez mineur ? Vous savez, j'aimerais répondre à vos questions si seulement elles étaient pertinentes. Mais mes avocats m'ont conseillé de ne pas donner de réponse aux questions liées à ce procès aujourd'hui. Je dois suivre leurs conseils ou risquer de perdre mon droit de représentation. Je fais donc valoir mes droits selon les 5e, 6e et 14e amendements de la Constitution des États-Unis. Bien sûr, Epstein se retranche derrière le droit au silence que lui confère la Constitution. Mais pourquoi tant d'arrogance ? Mais parce qu'il est en confiance. Il sait qu'un nouveau procureur vient d'être nommé. Alex Acosta, un proche de Donald Trump. Et voilà comment, après des mois d'enquête, tout s'arrête. La mise en examen disparaît et le FBI referme le dossier. Stupeur des avocats des victimes qui apprennent qu'Epstein a négocié un accord secret avec Acosta. Que des rencontres ont eu lieu dans des chambres de l'hôtel Marriott et que l'assistante d'Acosta communiquait avec les avocats d'Epstein via sa messagerie personnelle. Au bout du compte, un deal mené de manière illégale qui blanchit le milliardaire ainsi que ses complices. et qui offre une compensation financière aux plaignantes, en échange bien sûr de leur silence. Epstein n'écope donc que de 18 mois de détention pour un seul chef d'accusation, sollicitation de prostitution. Ce qui, au passage, vaut aux filles d'être qualifiées de prostituées. Ces dernières sont sous le choc. D'autant qu'on accorde à Epstein une aile VIP de la prison de Palm Beach, avec la possibilité de se rendre à son bureau, donc chez lui, 6 jours sur 7. Certains ironisent et parlent d'un holiday in pénitentiaire. Et les affaires continuent. D'autant que certains, comme Jean-Luc Brunel, lui rendent régulièrement visite. Motif professionnel, bien sûr. Depuis 2000, c'est Epstein qui finance la nouvelle agence de Brunel. C'est même lui qui l'a nommé MC2 Model, en clin d'œil à la célèbre formule Albert Einstein. Contractuellement, les deux hommes ont donc le droit de se voir. Et, comme on dit aux États-Unis, business is business. Le 21 juin 2009, Epstein est libéré, 5 mois avant la fin de sa peine. Aux policiers qui s'offusquent, le procureur Acosta répond « Que voulez-vous que j'y fasse ? C'est une célébrité. » En vérité, cette célébrité-là n'a jamais eu aucune limite. Et elle ne comprend toujours pas cette interdiction de coucher avec des mineurs. S'il les paye, où est le problème ? Sollicité par son ami Mort Zuckerman, qui dirige le journal Daily News, Epstein accepte une unique interview avec George Rush par téléphone. Voulez-vous parler de la façon dont votre accord a été passé en secret, grâce aux connexions politiques de vos avocats ? George, c'est des conneries tout ça. En y regardant de plus près, ma punition est beaucoup plus sévère que pour quiconque ayant jamais usé de prostitution. Les filles qui venaient dans ma maison, elles venaient pour gagner de l'argent. D'ailleurs, à New York, pour le même chef d'accusation, on vous donne juste une amende de $100. Ce serait ça, la punition à New York, pour ce genre de comportement. Fin de l'affaire Epstein ? Pas vraiment. Car en janvier 2015, entre en piste une certaine Virginia Roberts-Gluth. Depuis l'Australie où elle réside, cette femme décide à son tour de porter plainte. Elle affirme avoir été recrutée par Ghislaine Maxwell lorsqu'elle était mineure et qu'elle travaillait à Mar-a-Lago, dans le club de golf de Donald Trump. On avait abusé de moi bien des fois avant Epstein. Je n'avais donc aucune estime de moi et j'avais peur de rater ma vie. J'étais donc la parfaite victime. J'ai gravi les échelons assez vite. Je faisais tout ce qu'il voulait. Je lui mettais ses chaussettes avant de se coucher. Je m'assurais que ses besoins sexuels étaient satisfaits. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell savaient très bien normaliser les abus qui avaient lieu. C'est ainsi que je suis devenue leur esclave. Deux ans plus tard, Ghislaine propose même de devenir mère porteuse pour Jeffrey et elle. Terrorisée par cette perspective, Virginia s'enfuit. Puis rencontre un Australien de son âge, qui peu à peu la guérit de ses traumatismes et la pousse à porter plainte. Contre Epstein, contre Ghislaine, contre Brunel, mais aussi contre Alan Dershowitz, l'avocat d'Epstein, et contre le prince Andrew, qui l'aurait violée à 3 reprises. La première aurait eu lieu le 10 mars 2001, chez Ghislaine, comme elle le raconte dans le documentaire de Netflix « Jeffrey Epstein, argent, pouvoir et perversion ». Ghislaine posait toujours les mêmes questions. C'était comme un jeu. Elle demande au prince Andrew quel âge il me donnerait. Il répond « 17 ans ». Et elle lui dit « Oh, bravo, elle a bien 17 ans ». Et ils en rigolent. Et il ajoute « Ma fille a presque le même âge. Elle est un peu plus jeune que toi ». Le soir, on sort dans un club de Londres, le Tramp. On danse ensemble et il transpire abondamment sur moi. C'est dégoûtant. On retourne chez Ghislaine et on monte à l'étage. J'avais un petit appareil jetable jaune. Et je demande à Jeffrey de me prendre en photo avec le prince Andrew. Ghislaine est juste derrière moi. Et elle me dit, tu sais, tu vas devoir lui faire ce que tu fais pour Jeffrey. Ça m'a fichu un coup. Et juste après cette photo, il m'a agressée sexuellement pour la première fois. Médiatiquement, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Buckingham réfute avec véhémence, mais le mal est fait. La photo du prince enlaçant la jeune fille avec Ghislaine en arrière-plan fait le tour du monde. On dit de lui qu'il est le fils préféré de la reine. Le prince Andrew, 59 ans, ici au premier plan, est aujourd'hui dans la tourmente, à la une de tous les journaux britanniques. Banni, titre même certains tabloïds. Le duc d'York, dont le nom est régulièrement cité dans le scandale sexuel impliquant le milliardaire Jeffrey Epstein, un ami de longue date, annonce qu'il se retire de la vie publique dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille. D'autant que depuis l'automne 2017, la vague MeToo déferle sur le monde et que les plaintes affluent de partout contre Epstein. Au Miami Herald, la journaliste Julika Brown lance alors une enquête sur le fiasco du procès de Palm Beach. Et elle prouve, le 28 novembre 2018, le lien de connivence entre Jeffrey Epstein et le procureur Acosta. Or, entre-temps, Acosta est devenu le ministre du Travail de Donald Trump, parvenu au sommet de l'État. Mais à Washington, le Sénat s'empare de l'affaire, la machine judiciaire est relancée. Samedi 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est interpellé à l'aéroport du New Jersey. Il a 66 ans et ses jours sont comptés. Contre lui, deux chefs d'accusation. Complot en vue de trafic sexuel et trafic sexuel de mineurs. Il risque une peine de 45 ans de prison. Et soudain, tous ses proches s'écartent de lui. Clinton assure ne pas l'avoir croisé depuis plus de 10 ans et Donald Trump déclare « Epstein, je ne lui parle plus depuis 15 ans. J'étais pas un fan de lui. » Dans la foulée, le ministre Acosta est contraint de démissionner. Pourtant, Epstein plaide non coupable et offre 100 millions de dollars de caution pour sa libération. Mais voilà que dans sa maison de l'Upper East Side, les agents fédéraux découvrent des clichés pédopornographiques. Et dans son coffre-fort, des diamants et des faux passeports, preuve qu'il était prêt à s'enfuir. Sa demande est donc rejetée. Le procès est prévu pour juin 2020, mais soudain, au matin du 10 août 2019, coup de théâtre. Un suicide en prison qui fait du bruit aux États-Unis, celui de Jeffrey Epstein. Ce financier, ami des puissants, était accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Epstein retrouvé pendu au pied de son lit. Comment est-ce possible? Le Metropolitan Correctional Center est l'une des prisons les plus sûres du pays. On y enferme les trafiquants de drogue et les pires terroristes. Hélas, les autorités avouent que ce soir-là, les caméras ne fonctionnaient pas et que les gardes s'étaient endormis. Le scandale est immense, les victimes anéanties. Elles attendaient une peine exemplaire. À la place, on leur sert un suicide apparent pour reprendre le communiqué officiel. Le ministre de la Justice, William Barr, regrette les irrégularités. Ce à quoi le sénateur Ben Sass répond « Manifestement, des têtes doivent tomber ». Le parquet et le FBI décident donc d'ouvrir une enquête. Ainsi, même dans la mort, Epstein alimente la polémique. Quid de l'indemnisation des victimes, sachant qu'Epstein avait ficelé son héritage? Et quid de ses complices, Ghislaine Maxwell, Jean-Luc Brunel? Et le fameux carnet noir rempli des noms de ses proches, où est-il? Des questions qui, invariablement, mènent à cette hypothèse. Et si Epstein avait été assassiné? D'autant qu'une deuxième autopsie, lancée par le frère du financier, révèle que les fractures de son os hyoïde auraient été causées par un acte de strangulation commis par un tiers. Mais par qui? Une théorie confirmée en tout cas par le fait que les maisons d'Epstein étaient truffées de caméras qui auraient pu faire chuter des puissants. Des enregistrements disparus mystérieusement et qui enflamment les esprits. Ainsi comme l'écrit le prix Nobel d'économie Paul Krugman, si nous vivions dans un univers de fantasmes paranoïaques, je serais très méfiant sur le suicide d'Epstein. Eh bien, vous savez quoi? Son cas montre que nous vivons justement dans un univers de fantasmes paranoïaques. Quant à Jean-Luc Brunel, arrêté et emprisonné en France à la prison de la Santé, il est retrouvé mort, pendu dans sa cellule le 19 février 2022. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale Epstein. Notre invité, Baptiste Manzinali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du tout nouveau magazine Télescope, dont on dira un mot à la fin de l'interview. Avec plaisir. Et auteur de La Nuit des Chasseurs, abus et scandale dans l'industrie du mannequinat, livre paru au Cherche Midi l'an dernier. Alors, ce livre, justement, est une enquête très détaillée sur l'industrie du mannequinat et des liens entre les dirigeants français et américains. Tout d'abord, comment vous est née l'idée de cette enquête? Pourquoi vous êtes-vous penché là-dessus? Ça a commencé à la mort de Jeffrey Epstein, donc été 2019, quand il y a un premier nom français qui ressort, donc Jean-Luc Brunel. Brunel, ouais. Évidemment, moi, à ce moment-là, je fais des enquêtes pour le magazine Technicart, et je me dis, tiens, ça m'interpelle, je vais m'y intéresser, d'autant plus qu'on sait pas grand-chose sur lui à ce moment-là. Il y a un premier papier qui sort dans Mediapart, où on donne quelques éléments, mais voilà, on parle d'un agent de mannequin, etc. Je me dis, mais quel est le lien avec Epstein? Donc, j'ai commencé à travailler d'abord essentiellement sur Jean-Luc Brunel. Mmh. Et puis j'ai découvert en premier lieu qu'il avait commencé sa carrière aux côtés de Claude François. Ce qui pour moi, tout de suite, ça a été un peu étrange. Je me suis dit, quel est le lien, encore une fois, entre comment on passe de Claude François à Jeffrey Epstein. Ça reste paillette quand même. Oui, ça reste paillette, bien sûr, évidemment. Mais il y a quand même une trajectoire professionnelle qui est assez dingue. Mmh. Je découvre que c'est un monsieur qui a eu énormément de succès, qui a été très connu dans le milieu, en tout cas du mannequinat, qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80, pour après finir par travailler dans l'ombre quand des premières affaires sortent à la fin des années 80. Quoi. Est-ce que c'est un milieu difficile à approcher? On imagine, au vu du sentiment des richesses et de l'impunité qui y règne, que c'est une atmosphère assez préservée, voire secrète. Il est clair que les agents, les photographes, les mannequins qui travaillent encore actuellement m'ont complètement fermé les portes. ça c'est sûr. Donc j'ai dû me retourner vers des gens qui ne travaillaient plus ou qui étaient sortis de ce milieu-là, qui avaient des choses à dire pour le coup. Mais si on veut continuer à travailler, évidemment que on n'a pas intérêt à trop parler. Donc ça a été le premier frein. Il y avait d'autres. Certains ne voulaient témoigner, mais pas avec leur nom, donc j'ai dû changer leur nom. Et puis c'était surtout ça le problème. Franchement, c'est l'omerta qui règne encore aujourd'hui dans ce milieu-là. Avec le chantage. Oui, si vous parlez, vous partez. Évidemment. Et comment expliquez-vous le sentiment d'impunité qui règne sur ce milieu? Il est si puissant que ça. Il a des ramifications. Je pense que c'est l'époque qui voulait ça, parce que je pense quand même que ça. Je dis pas que tout est rose aujourd'hui, c'est moins évident d'agir avec autant d'impunité aujourd'hui qu'au milieu des années 70 ou 80, c'est évident. L'industrie du mannequinat, elle était florissante à l'époque, c'était le Far West, c'était nouveau. Quasiment. Donc ça a généré des jeux de pouvoir, etc., avec des personnages liés à la politique, et ça très puissant. Et puis ce qui a changé aujourd'hui, c'est clairement les réseaux sociaux qui ont libéré la parole aussi pour ces jeunes filles et qui ont aussi MeToo surtout. MeToo bien sûr. Et puis mais les réseaux sociaux quand même, parce que je le dis parce que ça a quand même aussi changé quelque chose dans l'industrie, c'est que les mannequins ont moins besoin, sont moins dépendantes des agences aujourd'hui. Elles gèrent un peu leur carrière, leur image. Toute seule, c'est pas totalement vrai, mais ça l'est un peu quand même. Donc elles sont moins dépendantes de ces agents qui vont venir les chercher à l'autre bout du monde pour les ramener à Paris, et où elles sont complètement livrées à eux, quoi. Donc. Alors concernant les États-Unis, toujours fascinés par les signes de réussite, certains ont décrit une société américaine travaillée par des passions mauvaises. Un peu comme les passions tristes de Spinoza, beaucoup même. Dans son roman Le bûcher des vanités, très célèbre, sorti en 1988, Tom Wolfe parle du triomphe du mal. La France aurait donc été touchée par ce syndrome-là aussi. Alors, la société que dépeint Tom Wolfe, c'est la société new-yorkaise des années 80. Je pense qu'elle a pas beaucoup changé. Je dirais même qu'elle s'est empirée en réalité. Jeffrey Epstein, ça pourrait vraiment être un personnage du bûcher des vanités, clairement, ou un genre de Patrick Bateman dans American Psycho aussi. Franchement, c'est ce qu'on appelle un youpi. Donc un youpi, c'est un jeune cadre qui évolue dans la finance. Généralement très cynique et qui vit que pour asseoir sa domination sur les autres, donc domination matérielle ou sexuelle. Et je pense pas qu'on ait cet équivalent en France, honnêtement, parce que ici la réussite elle est toujours assez suspicieuse, surtout quand elle est autant ostentatoire. On s'interroge toujours. Donc je fais peut-être un peu des généralités parce que ça on tend à s'américaniser un petit peu. Non, mais c'était beaucoup le cas, et encore d'ailleurs, c'est encore le cas. On va écouter une archive ensemble. Elle remonte au 19 décembre 2020 et elle donne ce qui était à l'époque cette actualité-là. Jean-Luc Brunel va devoir s'expliquer devant la justice française. L'ancien directeur d'une agence de mannequins à succès était dans le viseur des enquêteurs depuis plus d'un an, soupçonné de multiples agressions sexuelles. Il a été arrêté mercredi à Roissy alors qu'il s'apprêtait à partir au Sénégal. Il est mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Jean-Luc Brunel a-t-il organisé le transport et l'hébergement de jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein? Pour ces faits qualifiés de traite d'êtres humains, le septuagénaire est placé sous le statut de témoin assisté. Alors, il est vrai que la plainte de Virginia Roberts Diouffre, l'Australienne, a joué beaucoup, j'imagine, dans l'arrestation de Brunel. Alors, d'après elle, il était souvent à bord du Lolita Express et lui aurait même envoyé 3 Françaises de 12 ans. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'on a la preuve de ça? Parce que c'est vraiment 12 ans, enfin, c'est l'enfant. On a des preuves sur le fait que, évidemment, Brunel voyageait à bord du Lolita Express. Il y a les carnets de vol qui l'attestent. Plus de 20 fois, je crois, donc c'est quand même conséquent. Et souvent à destination de l'île privée, donc d'Epstein. Par contre, en ce qui concerne les 3 Françaises de 12 ans, à ma connaissance, on n'a pas retrouvé leurs traces. Donc c'est difficile. Pas une information? Non. D'accord. Et que pensez-vous du fait que Jean-Luc Brunel se soit lui aussi suicidé en prison le 19 février 2022 dans l'attente de son procès comme Epstein, s'étant pendu comme Epstein? Qu'est-ce que ça nous dit? Je crois surtout qu'il a privé ses présumé victime d'un procès. Il a empêché que justice leur soit rendue, surtout. Et il s'est aussi privé du meilleur moyen de se défendre, donc lui-même. Donc je vois pas ça. Je vois pas son suicide comme la preuve d'un homme, enfin comme la preuve de son innocence, enfin en tout cas de quelqu'un qui. C'était la preuve de sa culpabilité. Si. Voilà, on ne saura jamais. Ouais. Mais je crois surtout qu'il savait que les preuves contre lui elles étaient accablantes, qu'il allait passer les dernières années de sa vie en prison. Ça c'est sûr. Après pour le reste, on compare souvent. On fait le rapprochement avec le suicide d'Epstein, qui est assez douteux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médecins légistes. Oui, parce que d'autres parlent d'assassinat, justement, parce que les puissants faisaient partie de certaines soirées qu'il fallait pas qu'on sache, quoi, en gros. En ce qui concerne Brunel, il avait déjà fait une tentative quelques mois avant. C'est ses avocats qui me l'avaient dit. Et puis je rappelle quand même qu'en France, il y a un suicide en prison tous les 3 jours. Donc c'est pas non plus totalement anormal, quelqu'un qui se suicide en prison. Malheureusement, on sait que les conditions peuvent être difficiles. Un homme qui, de son âge, qui se sait accablé par les preuves contre lui, on peut imaginer. Je pense que c'est plutôt un signe de lâcheté pour moi. Oui, après, le suicide répond toujours à des motivations très personnelles, très intimes. C'est toujours difficile de le savoir. En tout cas, que deviennent les plaintes émises contre lui? Parce que c'est un vrai problème, ça. Oui. Alors, à ma connaissance, pas grand-chose. En revanche, il y a un combat qui continue quand même, parce qu'il faut, notamment grâce à l'avocate Anne-Claire Lejeune, parce qu'elle accompagne encore les présumées victimes d'un autre personnage qui est lié à ses agences de mannequins, ce qui est Gérald Marie. Mm-hmm. Donc, Gérald Marie, c'était l'ancien patron d'Elite Europe, et lui aussi est accusé de viol. Gérald Marie est quelqu'un qui a beaucoup connu Jean-Luc Brunel, ils ont travaillé ensemble, ils se sont détestés parce qu'ils étaient concurrents, ça les empêchait pas de beaucoup se fréquenter quand même. J'ai recueilli des témoignages de filles qui disent avoir été victimes de l'un et l'autre en même temps. Donc c'est Gérald Marie, lui, il est toujours en vie. Donc je pense que c'est envers Gérald Marie qu'il faut se tourner aujourd'hui, si on veut donner une suite à cette affaire. Après, en ce qui concerne les plaintes contre Brunel, à mon avis, c'est un peu compliqué. On se retrouve dans 3 minutes, on écoute Lala Ace, Control. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Baptiste Manzinali, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Téléscope et surtout auteur de La Nuit des Chasseurs, abus et scandales dans l'industrie du mannequinat, paru au Cherche Midi l'an dernier. Donc nous parlons de cette affaire Epstein. On a fait pas tout à fait le tour des personnages impliqués dans ce dossier. Il nous reste Ghislaine Maxwell. Alors, Ghislaine Maxwell, elle est donc en prison en ce moment où nous parlons. Oui, elle l'est toujours, oui, bien sûr. Son procès a pris fin l'année dernière, en janvier 2022. Elle a fait appel. Ça a été assez déceptif, j'ai envie de dire, puisqu'on attendait, quand même des révélations. Notamment sur son lien avec Jean-Luc Brunel aussi, ça n'a absolument pas été évoqué. Donc voilà, elle est toujours en prison. Elle s'est plaint aussi des conditions de détention, puisque évidemment que la justice américaine a tout intérêt à ce qu'elle ne se suicide pas. Je sais qu'elle se plaignait qu'il y avait des flashs de lumière toute la nuit, tous les quarts d'heure. Pour l'empêcher de, en fait, elle pouvait pas vraiment dormir, donc elle était sous-alimentée, etc. Donc voilà, elle s'est beaucoup plainte de ça, des conditions de sa détention. Ça a été évoqué pendant son procès. Maintenant, aujourd'hui, il y a pas plus à dire. Voilà, elle a fait appel. On va voir ce que ça donne. Est-ce que d'autres éléments vont sortir à ce moment-là? Peut-être. Mais pour l'instant, ça n'avait pas donné grand-chose, en tout cas. Le sentiment qu'on a en racontant cette histoire, c'est qu'on est un peu entre deux convictions. Celle selon laquelle c'est une affaire terminée parce que les deux principaux protagonistes se sont suicidés. Elle ne parle pas et on se dit, il reste cet homme-là dont vous avez parlé tout à l'heure, inquiété par la justice. Donc en même temps, on se dit, elle n'est peut-être pas terminée. À votre avis, elle est terminée ou elle n'est pas terminée, cette affaire? Moi, je vois pas trop ce qui pourrait encore émerger de cette histoire. Beaucoup de gens ont enquêté là-dessus. Je suis pas le seul. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que qu'on enquête ou pas, de toute façon, on sera toujours très très loin de la vérité. Et je m'en suis aussi moi rendu compte en enquêtant, c'est qu'il y a des choses. On m'a donné des éléments que je ne pouvais pas prouver, donc je ne pouvais pas les mettre dans mon livre, et des choses absolument sordides. Et je pense qu'en fait la vérité, elle est vraiment pire que ce qu'on sait, en fait, et que ce qu'on pourra prouver. Il y a des choses qui sont improuvables, malheureusement, et qui ont probablement dû arriver, mais comment en prendre acte, c'est pas possible. Donc mais je vois pas encore d'autres révélations, et je vois pas ce qui pourrait sortir. Il y a quand même, sur les trois protagonistes, il y en a deux qui sont morts. Ouais, ça commence à faire un peu cold case. Hein. Voilà. On peut évaluer à peu près le nombre de victimes. C'est compliqué, hein. C'est difficile. Je dis à peu près parce que c'est plusieurs dizaines, peut-être. Il me semble qu'on parle quand même de centaines de filles. Centaines de filles. Mais ça veut pas dire victimes. On parle de centaines de filles qui ont travaillé dans ce cadre-là. Qui auraient rendu visite à Jeffrey Epstein chez lui à New York ou sur son île. Qui auraient transité via le Lolita Express, en tout cas. Après, ça en fait pas forcément des victimes. Mais en tout cas, oui, on parle d'une centaine de filles, oui. Alors pensez-vous qu'avec MeToo, parce que quand même, MeToo a été un mouvement puissant, est un mouvement puissant, c'est un mouvement mondial. Est-ce que vous pensez qu'avec MeToo, les scandales, ces affaires Epstein et Brunel ont fait évoluer, donc il y a MeToo d'abord, il y a cette affaire-là, que ça a fait évoluer l'esprit des agences de mannequinat, ou est-ce que tous ces mœurs sont encore solidement implantées dans ce milieu-là? J'aurais envie de vous dire que oui, MeToo a contribué à libérer la parole, etc. Donc oui, je pense que ça a changé quelque chose. Maintenant, en toute honnêteté, je parle encore aujourd'hui avec des gens de ce milieu, parce que j'ai écrit ce livre et qu'on vient me dire, oh, voilà, je travaille aussi là-dedans. Oui. Et tu sais, c'est toujours pareil, en fait. Et donc, en fait, même moi, je me dis, mais comment c'est possible? Ben, si, il y a encore des agents qui logent 10 filles chez eux et qui leur font des propositions bizarres, et si elles travaillent pas, ils les renvoient en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud ou je ne sais où. Donc moi, on me dit quand même que ça existe encore. Après, je n'ai pas enquêté sur ce qu'est le mannequinat aujourd'hui. Je me suis arrêté à aujourd'hui. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'en tout cas, on ne peut pas agir avec autant d'impunité qu'avant. avant. Grâce à MeToo, grâce aux réseaux sociaux, je pense quand même que c'est plus difficile et surtout d'organiser son trafic comme ont pu le faire ces gens-là. C'était tellement énorme que je pense que ça, c'est à mon avis, c'est un peu quand même compliqué. Et puis comme je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que les filles maintenant, elles sont moins dépendantes de ces gens-là. Ils sont pas aussi puissants qu'avant, ces agents de mannequins. Les filles gèrent leur carrière pas toutes seules, mais en partie, elles gèrent au moins leur image. Et puis en fait aujourd'hui, les agences, elles courent derrière les filles. Ah, le rapport de force est inversé. Le rapport de force est un petit peu inversé, oui, je pense. Oui. Alors je le disais au début de l'émission, en vous présentant, vous êtes rédacteur en chef d'un nouveau magazine. Alors on va parler de ce magazine, on a un peu plus d'une minute pour le faire. C'est toujours bien une nouvelle organe de presse qui arrive dans nos kiosques. C'est toujours, ça s'appelle Télescope. C'est Télescope. Toujours une bonne nouvelle. Vous me présentez Télescope. Oui, Télescope, c'est un magazine qui va sortir tous les 3 mois. Donc on a sorti le premier numéro en kiosque le 27 janvier dernier. L'idée, c'est de parler du futur, du monde d'après, des nouvelles technologies, avec de l'illustration. Donc on a un côté un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'on peut tout aussi bien raconter, faire le portrait d'un inventeur fou des années 50 qui avait imaginé un truc, une invention trop en avance sur son temps et qui aujourd'hui on se rend compte que finalement il avait peut-être raison, donc on peut raconter ça, on fait du reportage, de l'enquête. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On est quelque part entre la dystopie et l'utopie. On prend pas parti. On dit pas que le futur c'est merveilleux, ni que c'est absolument atroce. On dit qu'il y a quelque chose qui arrive et que le monde de demain, il va changer, ça c'est sûr. En fait, vous dites que le futur a de l'avenir. Évidemment, voilà. En quelque sorte. C'est ce qu'aurait pu dire Étienne Klein, d'ailleurs, qui est en interview dans notre premier numéro. Bien, merci infiniment, Baptiste Manzinali. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Jeffrey Epstein, et une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérôme Ragano.